Vous croyez que ma vie m'est précieuse à ce point? Que j'échangerai mon honneur contre quelques années supplémentaires de quoi? L'amertume joue les solistes quand mes regrets deviennent un orchestre. Suffit de kicker une prod aux influences new-yorkaises. Des emmerdes, j'en ai une ribambelle. Ma prose n'est pas fleur bleue, c'est une chrysanthème. Dans le 9-1 y'a pas la mer, mais l'enthousiasme il a mis les voiles, on m'entend peu. Pourtant je suis loin d'avoir un filet de voix. Ici le partage n'est qu'une balivère. Sur Paname, combien de clodos ne passeront pas l'hiver? Toujours pas de promo, mais j'ai ma plume et la tête dans la lune sans être un astronaute. En politique, je vois tant de salopes attiser les foules. Tel un paratonnerre, je me fous de qui vais-je m'attirer les foutres. L'authentique te retrouvera à vouloir jouer le malin. Ma vie c'est une galère et j'ai pas le pied marin. Je suis pas ce qu'on appelle un artiste en danse. Les messes passes hypocrites feront ma piste d'ambiance. Le secteur n'est pas paradisiaque. Visualise ta gamine se faisant des points par un dixa. Rassure les daltoniens, dès le départ j'annonce la couleur. J'engendre une musique qui parle au mien. Mon ambition est bel et bien fantomatique. Je n'espère même plus m'en sortir sans traumatisme. Tempérament sanguin, j'ai de qui tenir. Si je perds la tête, qui se farcira mon quickening? Aussi vrai que mon mental a dû s'endurcir. Je ne sais quand viendra l'heure du chant du cygne. Je ne suis pas né méfiant, mais j'ai appris à l'être. Mec, je suis plus vif que Barry Allen. Je canalise mal mes excès de rage. Dans la vie de tous les jours, mon humeur, elle est exécrable. Je ressasse les affres de ma chienne de vie. Le stud d'une scène de crime. Y'a que la colère qui m'a ouvert ses bras. Mes couplets à tous les coups blessent. Et je me lève la tête dans le cul malgré mon manque de souplesse. Cousin, j'ai mal au cœur, pourtant je suis pas cardiaque. Ce putain de vécu m'a rendu acariâtre. Le jugement dernier ne sera pas au tribunal. À mes yeux, leurs beaux discours ne sont que simulacres. Roses font les je vais pas citer des noms. Ça va balancer du pointu si des groupies tentent de me cirer les pompes. Mes péchés, je les énumère. Époque inhumaine, je pourrais vécreux dans la minute même. T'occupes pas de moi, je vis dans un monde infâme. Dans mon cortège funéraire, combien de faux culs consoleront ma femme? J'ai les pieds sur terre, vu que mon état n'est pas sans gravité. Je débarque dans le game sans y être invité. Ma bonne étoile a pris la tangente. Au bout du compte, seul le légiste pourra révéler ce que j'ai dans le ventre. J'ai appris leur métier, j'ai bien appris. Mais j'ai grandi avec des soldats. J'ai appris à mourir il y a bien longtemps.